Chapitre 4. C'était chez un ancien notaire, nommé M. Desrandelys, qu'avait lieu la petite réunion où Valentin devait rencontrer Mme Delaunay. Il la trouva, comme il l'espérait, plus belle et plus coquette que jamais. Malgré la chaîne et les boucles d'oreilles, sa toilette était presque simple. Un simple nœud de ruban de couleur changeante accompagnait son joli visage, et un autre de pareille nuance serrait sa taille souple et mignonne. J'ai dit qu'elle était fort petite, brune, et qu'elle avait de grands yeux. Elle était aussi un peu maigre, et différait en cela de Madame de Parnes, dont l'embonpoint montrait les plus belles formes enveloppées d'un réseau d'albâtre. Pour me servir d'une expression d'atelier qui rendra ici ma pensée, l'ensemble de Madame Delaunay était bien fondu, c'est-à-dire que rien ne tranchait en elle. Ses cheveux n'étaient pas très noirs, et son teint n'était pas très blanc. Elle avait l'air d'une petite créole. Madame de Parnes, au contraire, était comme peinte. Une légère pourpre colorait ses joues et ravivait ses yeux étincelants. Rien n'était plus admirable que ses épais cheveux noirs couronnant ses belles épaules. « Mais je vois que je fais comme mon héros. Je pense à l'une quand il faut parler de l'autre. Souvenons-nous que la marquise n'allait point à des soirées de notaire. » Quand Valentin pria la veuve de lui accorder une contredanse, un « je suis engagé bien sec » fut toute la réponse qu'il obtint. Notre étourdi, qui s'y attendait, feignit de n'avoir pas entendu et répondit « je vous remercie ». Il fit quelques pas là-dessus, et Madame Delaunay courut après lui pour lui dire qu'il se trompait. « En ce cas, demanda-t-il aussitôt, quelle contredanse me donnerez-vous ? » Elle rougit et, n'osant refuser, feuilletant un petit livre de bal où ses danseurs étaient inscrits. « Ce livret me trompe, » dit-elle en hésitant. « Il y a une quantité de noms que je n'ai pas encore effacés et qui me troublent la mémoire. » C'était bien le cas de tirer le portefeuille à portrait. Valentin n'y manqua pas. « Tenez, » dit-il, « écrivez mon nom sur la première page de cet album. Il me sera plus cher encore. » Madame Delaunay se reconnut cette fois. Elle prit le portefeuille, regarda son portrait et écrivit à la première page le nom de Valentin. Après quoi, en lui rendant le portefeuille, elle lui dit assez tristement « Il faut que je vous parle. J'ai deux mots nécessaires à vous dire, mais je ne puis pas danser avec vous. » Elle passa alors dans une chambre voisine où l'on jouait, et Valentin la suivit. Elle paraissait excessivement embarrassée. « Ce que j'ai à vous demander, dit-elle, va peut-être vous sembler très ridicule, et je sens moi-même que vous aurez raison de le trouver ainsi. Vous m'avez fait une visite ce matin et vous m'avez pris la main, » ajouta-t-elle timidement. « Je ne suis ni assez enfant, ni assez sotte pour ignorer que si peu de choses ne fâchent personne et ne signifient rien. Dans le grand monde, dans celui où vous vivez, ce n'est qu'une simple politesse. Cependant, nous nous trouvions seuls, et vous n'arriviez ni ne partiez. Vous conviendrez, ou pour mieux dire, vous comprendrez peut-être par amitié pour moi. » Elle s'arrêta, moitié par crainte et moitié par ennui de l'effort qu'elle faisait. Valentin, à qui ce préambule causait une frayeur mortelle, attendait qu'elle continuât, lorsqu'une idée subite lui traversa l'esprit. Il ne réfléchit pas à ce qu'il faisait, et cédant un premier mouvement, il s'écria « Votre mère l'a vu ?»« Non, » répondit la veuve avec dignité. « Non, monsieur, ma mère n'a rien vu. » Comme elle achevait ces mots, la contredanse commença, son danseur vint la chercher, et elle disparut dans la foule. Valentin attendit impatiemment, comme vous pouvez croire, que la contredanse fût finie. Ce moment désiré arriva enfin. Mais Madame Delaunay retourna à sa place, et quoi qu'il fît pour l'approcher, il ne put lui parler. Elle ne semblait pas hésiter sur ce qu'il lui restait à dire, mais pensait comme elle le dirait. Valentin se faisait mille questions, qui toutes aboutissaient au même résultat. Elle veut me prier de ne plus revenir chez elle. Une pareille défense, cependant, sur un aussi léger prétexte, le révoltait. Il y trouvait plus que du ridicule. Il y voyait une sévérité déplacée ou une fausse vertu prompte à se faire valoir. « C'est une bégueule ou une coquette, » se dit-il. « Voilà, madame, comme on juge à 25 ans. » Madame Delaunay comprenait parfaitement ce qui se passait dans la tête du jeune homme. Elle l'avait bien un peu prévu, mais en le voyant, elle perdait courage. Son intention n'était pas tout à fait de défendre sa porte à Valentin. mais tout en n'ayant guère d'esprit, elle avait beaucoup de cœur, et elle avait vu clairement, le matin, qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie et qu'elle allait être attaquée. Les femmes ont un certain tact qui les avertit de l'approche du combat. La plupart d'entre elles s'y exposent ou parce qu'elles se sentent sur leur garde ou parce qu'elles prennent plaisir au danger. Les escarmouches amoureuses sont le passe-temps des belles oisives. Elles savent se défendre et ont, quand elles veulent, l'occasion de se distraire. Mais Madame Delaunay était trop occupée, trop sédentaire. Elle voyait trop peu de monde. Elle travaillait trop aux ouvrages d'aiguilles qui laissent rêver et font quelquefois rêver. Elle était trop pauvre, en un mot, pour se laisser baiser la main. Non pas qu'aujourd'hui elle se crût en péril. Mais qu'allait-il arriver demain, si Valentin lui parlait d'amour et si après-demain elle lui fermait sa maison et si le jour suivant elle s'en repentait? L'ouvrage irait-il pendant ce temps-là? Y aurait-il le soir le nombre de points voulus? Je vous expliquerai ceci plus tard. Mais qu'allait-on dire en tout cas? Une femme qui vit presque seule est bien plus exposée qu'une autre. Ne doit-elle pas être plus sévère? Madame Delaunay se disait qu'au risque d'être ridicule, il fallait éloigner Valentin avant que son repos ne fût troublé. Elle voulait donc parler, mais elle était femme, et il était là. Le droit de présence est le plus fort de tous et le plus difficile à combattre. Dans un moment où tous les motifs que je viens d'indiquer brièvement se représentaient à elle avec force, elle se leva. Valentin était en face d'elle et leurs regards se rencontrèrent. Depuis une heure, le jeune homme réfléchissait, seul, à l'écart. Elle lisait aussi de son côté dans les grands yeux de Madame Delaunay chaque pensée qui l'agitait. À sa première impatience avait succédé la tristesse. Il se demandait si en effet c'était là une prude ou une coquette. Et plus il cherchait dans ses souvenirs, plus il examinait le visage timide et pensif qu'il avait devant lui, plus il se sentait saisi d'un certain respect. Il se disait que son étourderie était peut-être plus grave qu'il ne l'avait cru. Quand Madame Delaunay vint à lui, il savait ce qu'elle allait lui demander. Il voulait lui en éviter la peine. Mais il la trouva trop belle et trop émue, et il aima mieux la laisser parler. Ce ne fut pas sans trouble qu'elle s'y décida, et qu'elle en vint à tout expliquer. La fierté féminine, dans cette circonstance, avait une rude atteinte à subir. Il fallait avouer qu'on était sensible, et cependant ne pas le laisser voir. Il fallait dire qu'on avait tout compris, et cependant paraître ne rien comprendre. Il fallait dire enfin qu'on avait peur. Dernier mot que prononce une femme, et la cause de cette crainte était si légère. Dès ses premières paroles, Madame Delaunay sentit qu'il n'y avait pour elle qu'un moyen de n'être ni faible, ni prude, ni coquette, ni ridicule, c'était d'être vraie. Elle parla donc, et tout son discours pouvait se réduire à cette phrase « Éloignez-vous, j'ai peur de vous aimer ». Quand elle se tut, Valentin la regarda à la fois avec étonnement, avec chagrin, et avec un inexprimable plaisir. Je ne sais quel orgueil le saisissait. Il y a toujours de la joie à se sentir battre le cœur. Il ouvrait les lèvres pour répondre, et sans réponse lui venait en même temps. Il s'enivrait de son émotion et de la présence d'une femme qui osait lui parler ainsi. Il voulait lui dire qu'il l'aimait. Il voulait lui promettre de lui obéir. Il voulait lui jurer de ne la jamais quitter. Il voulait la remercier de son bonheur. Il voulait lui parler de sa peine. Enfin, mille idées contradictoires, mille tourments et mille délices lui traversaient l'esprit, et au milieu de tout cela, il était sur le point de s'écrier malgré lui « Mais vous m'aimez ?» Pendant toutes ces hésitations, on dansait un galop dans le salon. C'était la mode en 1825. Quelques groupes s'étaient lancés et faisaient le tour de l'appartement. La veuve se leva. Elle attendait toujours la réponse du jeune homme. Une singulière tentation s'empara de lui en voyant passer la joyeuse promenade. « Eh bien oui, dit-elle, je vous le jure, vous me voyez pour la dernière fois. » En parlant ainsi, il entoura de son bras la taille de Madame Delaunay. Ses yeux semblaient dire « Cette fois encore, soyons amis, imitons-les. » Elle se laissa entraîner en silence et bientôt, comme deux oiseaux, ils s'envolèrent au bruit de la musique. Il était tard, et le salon était presque vide. Les tables de jeu étaient encore garnies. mais il faut savoir que la salle à manger du notaire faisait un retour sur l'appartement et qu'elle se trouvait alors complètement déserte. Les galopeurs n'allaient pas plus loin. Ils tournaient autour de la table puis revenaient au salon. Il arriva que lorsque Valentin et Madame Delaunay passèrent à leur tour dans cette salle à manger, aucun danseur ne les suivait. Ils se trouvèrent donc tout à coup seuls au milieu du bal. Un regard rapide, jeté en arrière, convainquit Valentin qu'aucune glace, aucune porte ne pouvait le trahir. Il serra la jeune veuve sur son cœur et, sans lui dire une parole, posa ses lèvres sur son épaule nue. Le moindre cri échappé à Madame Delaunay aurait causé un affreux scandale. Heureusement pour l'étourdi, sa danseuse se montra prudente. Mais elle ne put se montrer brave en même temps, et elle serait tombée s'il ne l'avait retenue. Il la retint donc, et en entrant au salon, elle s'arrêta, appuyée sur son bras, pouvant à peine respirer. Que n'eût-il pas donné pour pouvoir compter les battements de ce cœur tremblant? Mais la musique cessait, il fallut partir, et quoi qu'il pût dire à Madame Delaunay, elle ne voulut point lui répondre.